Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Prêt 1862. De la charité. Explication. Nous envisageons d'abord la charité dans son essence, ensuite dans son objet. Passant de là à ses actes ou effets, nous parlons de son acte principal, qui est l'amour, et des actes plus particuliers, temps intérieur, la joie, la paix, la miséricorde, qu'extérieur, la bienfaisance, l'aumône et la correction fraternelle. Les vices contraires à la charité sont la haine, le dégoût, l'envie, la discorde, la contention, le schisme, la guerre, les querelles, la sédition et le scandale. Nous montrons la convenance du double précepte de la charité, et nous terminons par l'explication du don de sagesse qui correspond à cette vertu. Question 23. De l'essence de la charité. La charité est une amitié créée dans notre âme, elle est une vertu spéciale, la plus excellente de toutes, sans laquelle il ne peut y avoir aucune vertu vraie. 1. La charité est-elle une amitié? Le Christ, s'adressant à ses apôtres, disait « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. » Jean 15, 15. Il parlait ainsi en vertu de la charité. Donc la charité est une amitié. L'amitié suppose la bienveillance, la réciprocité d'affection, et une communication quelconque. Aimons-nous une personne, nous voulons la réciprocité d'amitié, et notre bienveillance mutuelle a pour base un bien communiqué. Or Dieu nous fait participer à sa béatitude, et, sur cette communication, dont parle l'apôtre, quand il dit, Dieu, qui vous a appelé à la société de Jésus-Christ, son Fils, est fidèle. 1 Corinthiens 1, 9, se fonde un certain amour d'amitié, qui prend le nom de charité. La charité, ainsi comprise, est une amitié spéciale de l'homme avec Dieu. Note. Mais, dira quelqu'un, la charité a pour objet nos ennemis eux-mêmes, d'après cette parole, aimez vos ennemis. Où est alors la réciprocité d'affection sans laquelle l'amitié n'existe pas? On aime quelqu'un de deux manières, d'abord à cause de lui-même, et, dans ce sens, nous n'aimons que nos amis, ensuite, à cause d'une autre personne. Or l'amitié que nous portons à un ami peut être aussi grande qu'à cause de lui nous aimions ceux qui lui sont unis par quelques liens, ses enfants, ses serviteurs, etc., alors même qu'ils nous offensent ou qu'ils nous haïssent. Voilà comment l'amitié de la charité s'étend à nos ennemis. Nous les aimons à cause de Dieu, objet principal de la charité. Fin de la note. 2. La charité est-elle quelque chose de créé dans l'âme? Saint Augustin disait, j'appelle charité le mouvement de l'âme qui veut jouir de Dieu à cause de Dieu même. Le mouvement de l'âme est créé. La charité est donc quelque chose de créé dans l'âme. Le maître des sentences, qui s'est longuement étendu sur cette question, pensait que la charité était l'Esprit Saint lui-même habitant dans nos âmes. Il n'entendait pas que le mouvement d'amour par lequel nous aimons Dieu fût l'Esprit Saint. Il voulait dire que ce mouvement provient de l'Esprit Saint sans l'intermédiaire d'aucune habitude. Son but était de rehausser l'excellence de la charité, mais sa doctrine, au contraire, tournerait au détriment de cette vertu, puisqu'il faudrait admettre que l'âme humaine, dans l'acte de la charité que l'Esprit Saint lui imprime, est mue à la façon d'un corps sous l'action d'un moteur externe, sans être elle-même d'aucune manière le principe de son mouvement, ce qui serait nier le volontaire, dont la cause doit résider dans l'agent même, nier l'amour lui-même. dont l'acte procède essentiellement de la volonté, nier enfin le mérite, dont l'amour de charité est le fondement. Lorsque notre volonté est portée par l'Esprit Saint à un acte d'amour, il est nécessaire que l'impulsion soit donnée de telle manière que la volonté elle-même, libre d'agir ou de ne pas agir, soit le principe efficace de cet acte. De plus, aucune de nos facultés ne produisant parfaitement les actes qui ne lui sont pas rendus comme naturels par une habitude quelconque, l'acte de la charité, en particulier, surpassant manifestement nos puissances naturelles, qu'arriverait-il si une qualité habituelle quelconque n'était pas surajoutée à notre volonté pour la porter à aimer? Son acte, moins parfait que les actes naturels, ne serait ni facile, ni agréable. Il est loin pourtant d'en être ainsi. Aucune vertu n'a autant d'inclination à son acte que la charité, et aucune n'opère avec autant de plaisir. Il suit de là que la charité veut, comme condition essentielle, qu'une qualité habituelle, créée dans notre âme et surajoutée à notre puissance naturelle, nous porte à produire ces actes. Note. La charité est unie à l'âme, comme l'âme au corps, elle est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps, mais elle est en nous une habitude créée, habitude qui est une participation de la divine charité. Fin de la note. 3. La charité est-elle une vertu? La charité, dit saint Augustin, est une vertu qui nous unit à Dieu. Il y a, on l'a vu, deux règles pour les actes humains, la raison humaine et Dieu. De même que la conformité avec la droite raison constitue la vertu morale, de même la conformité avec Dieu constitue aussi des vertus d'un autre ordre, comme nous l'avons dit au sujet de la foi et de l'espérance. La charité est une vertu, puisque, suivant l'expression de saint Augustin, elle nous unit à Dieu même. 4. La charité est-elle une vertu spéciale? On peut se convaincre par ces paroles de saint Paul, maintenant ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, subsistent. 1 Corinthiens 13:13, que la charité, énumérée avec la foi et l'espérance, est une vertu spéciale. Une raison qui prouve que la charité est une vertu particulière, c'est que l'objet propre de l'amour est le bien, et que là où il y a un bien d'une nature particulière, il y a aussi un amour spécial. Le bien divin, objet de la béatitude, a une nature particulière. L'amour de la charité, qui a ce bien pour objet, est conséquemment un amour spécial, et, par suite, la charité est aussi une vertu spéciale. 5. La vertu de charité est-elle, une? La charité est une, à cause de l'unité de la bonté divine, comme la foi est une, à cause de l'unité de la vérité divine. Elle est une dans sa fin, qui est la bonté de Dieu, une dans la communication de la béatitude, sur laquelle repose l'amitié qui sert à sa définition, bref, elle est une dans son espèce. Note. On dira peut-être qu'elle a pour objet Dieu et le prochain. Cela est vrai, mais Dieu est toujours son principal objet, le prochain n'étant aimé qu'à cause de Dieu. Fin de la note. 6. La charité est-elle la plus grande des vertus? L'apôtre, parlant des trois vertus théologales, ajoute, la plus grande de ces vertus est la charité. 1 Corinthiens 13:13. Dieu étant la première règle à laquelle la raison humaine doit se conformer, les vertus théologales sont supérieures aux vertus morales ou intellectuelles, qui consistent seulement à se conformer à la raison humaine. Or, parmi les vertus théologales, celle qui atteint Dieu de plus près doit, pour le même motif, l'emporter sur les autres. Au lieu que la foi et l'espérance s'approchent de Dieu pour en retirer la connaissance de la vérité ou la possession d'un bien, la charité nous y unit absolument, pour que nous nous reposions en lui, et non pour que nous en recevions quelque chose. La charité, on le voit, est plus excellente que la foi, que l'espérance et que toutes les autres vertus. 7. Y a-t-il quelque vraie vertu sans la charité? Écoutons l'apôtre, « Quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres et que j'aurai livré mon corps pour être brûlé, tout cela ne me sert de rien si je n'ai pas la charité. » 1 Corinthiens 13 3. Comme le bien principal de l'homme est dans la possession de Dieu, selon cette parole, mon bien est d'être uni à Dieu, toute vertu véritable doit tendre vers la fin dernière. Les choses ainsi comprises, il n'y a pas de vraie vertu sans la charité qui nous met en rapport avec Dieu. Si l'on entend par vertu une qualité habituelle qui se rapporte à une fin secondaire, on peut admettre qu'il y a plusieurs vertus en dehors de la charité, avec cette restriction, toutefois, que l'on ne donnera pas ce nom aux habitudes qui, n'embrassant qu'un bien apparent, ne sont que les simulacres de la vertu, car, comme le dit saint Augustin, il n'y a point de vertu dans la prudence de l'avare, qui lui fait découvrir divers moyens de s'enrichir, dans sa justice, qui ne craint pas de blesser les droits d'autrui pour éviter une perte, dans sa tempérance, qui ne met un frein au désir de la luxure que par crainte de la dépense, ni même dans sa force, qui fuit la pauvreté, selon l'expression du poète latin, à travers les mers, les rochers et les flammes. Mais quand le bien particulier que l'on veut est un bien réel, par exemple, le salut d'un état ou tout autre semblable, il y a alors une vertu vraie, laquelle n'est parfaite, toutefois, que quand on la rapporte au bien final et parfait, à la béatitude. Par conséquent, il n'y a pas de vertu absolument vraie sans la charité. Note. Un homme qui n'a pas la charité peut agir en vertu de quelque don de Dieu, de la foi, de l'espérance, ou d'une qualité naturelle. En ce sens-là, il y a des actes bons sans la charité, mais ces actes ne sont pas parfaitement bons, parce qu'ils ne se rapportent pas comme il conviendrait à la fin dernière, quelle que soit, d'ailleurs, la droiture de celui qui les fait. Il en est de même des vertus de justice et de chasteté, elles ne sont de vraies vertus que par la charité qui les rapporte à leur fin légitime. Fin de la note. 8. La charité est-elle la forme des vertus? Ce qui donne à un acte la fin qui lui convient lui donnant par là même sa forme, saint Ambroise a eu raison d'appeler la charité la forme des vertus. C'est elle, en effet, qui confère la forme aux actes de toutes les autres vertus en les rapportant à la fin dernière. Elle est conséquemment la forme des vertus elles-mêmes, car les vertus ne sont telles qu'à cause de leurs actes formés. Note. La charité est la forme des vertus comme cause efficace, en leur imposant leur fin. Elle en est le fondement et la racine, en les soutenant et en les nourrissant. Elle en est la mère, en enfantant leurs actes pour la fin dernière. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.